toi, auditeur de Radio Guimauzou, tu nous écoutes sur le 107 FM. Et aujourd'hui, tu es le bienvenu dans la bulle avec nous pour partager, eh bien, ce moment, monsieur François Tacquart, président de l'association de gestion du parc de Vesterlin. François, bonjour. Bonjour, Dia. Comment ça va? Très bien. Bah, écoutez, il fait beau et la semaine va s'annoncer magnifique, la fin de semaine. Donc, ça tombe bien. Bon, pour notre événement. C'est ça. Nous parlons aujourd'hui de la fête des potagers qui aura donc lieu, eh bien, le dimanche 25 août, hein. C'est ce dimanche de 10h à 18h30. Alors, par qui est organisée, eh bien, cette fête des potagers? Oui, en fait, c'est organisé par une association qui s'appelle les Jardins de Vesterlin. D'accord. Qui est en fait un chantier d'insertion créé il y a presque 20 ans maintenant. Et oui. Qui s'est proposé à l'époque où les Jardins de Vesterlin étaient encore en ruine. Oui. Et d'ailleurs, tout aussi était en ruine à l'époque. Oui. De donner des gestes de jardinage pour des gens qui étaient en difficulté de vie importante, si vous voulez. D'accord. Et plutôt que faire simplement un jardin d'animation et d'apprentissage, il est germé de faire un beau jardin potager, un chantier d'insertion, en fait, un jardin patrimonial, donc qui respecte l'histoire du site, un jardin esthétique, qui soit beau, un jardin biologique, oui. Un jardin productif, mais aussi un jardin social. Super. Et cette équipe, principalement de femmes d'ailleurs, qui s'est lancée dans l'aventure il y a 20 ans, je dirais, réussit son pari, puisqu'aujourd'hui, il y a presque 17 personnes en insertion, avec 4 encadrants, donc presque 20 employés dans la structure, et qui fabriquent l'un des plus beaux jardins de France. D'ailleurs, l'année dernière, il a été classé premier parmi les jardins potagers de France, et il est classé aussi jardin remarquable, par les autorités officielles. Ça, c'est super. Alors, du coup, l'association assure la conception et la gestion, eh bien, comme vous venez de le dire, d'un jardin, d'un potager pédagogique ouvert au public et également intégré au Festival des Jardins Médicés qui se déroule dans le parc de juin à octobre. Oui, tout à fait. En fait, on découvre les jardins potagers en rentrant dans le Festival des Jardins Médicés. Cette année, la thématique, c'est l'Inde avec les jardins de Mowgli. Mowgli, c'est le petit garçon qui est dans la jungle hindou, qui a été abandonné et qui a été recueilli en fait par des animaux de la jungle. Oui. Et donc, ce potager, du coup, bien sûr, est un peu à l'art indienne, avec cette année donc les senteurs et les épices qui sont particulièrement à l'honneur, mais aussi des compositions paysagères de légumes et de fleurs qui fabriquent en fait des parterres hindous, si vous voulez, avec aussi bien sûr plein d'animations liées à Mowgli. Au sein des potagers, mais en gardant quand même la structure à la fois patrimoniale et bien sûr la structure biologique, écologique de ce très beau jardin potager. Et oui, alors vous en parliez juste avant, hein, donc il est reconnu chantier d'insertion. Cette manifestation, justement, elle est réalisée au bénéfice des emplois en insertion professionnelle qui sont gérés par l'association. Oui, tout à fait. L'association touche bien sûr des subventions de l'État et d'euros pour l'insertion, mais une grande partie de ses revenus viennent en fait de prestations qu'elle produit. D'accord. La vente de légumes du jardin, la tenue aussi d'un petit point de restauration avec des crêpes, des soupes du jardin, mais également des jus de fruits bio, etc. Et cette grande fête, bien sûr, vient compléter ce budget avec l'espoir que entre 1500 et 2500 personnes viendront nous rejoindre pour à la fois fêter la solidarité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, découvrir de multiples animations, mais aussi aider à financer ce chantier. Super. Alors, depuis quand justement est organisée cette fête du potager et par quelle initiative? Oui, alors le paradoxe, c'est que alors que tout est encore en ruine, dès que le premier jardin a été fabriqué, des gens sont venus et l'idée d'une fête a germé à l'époque. À l'époque, la fête était une petite fête occasionnelle. Maintenant, c'est devenu presque depuis 15 ans une grande fête, la plus grande fête du parc de Vesterlin, la fête à la fois de la beauté et de l'insertion. Et chaque année, donc, elle se tient la dernière dimanche d'août. Super. Combien de participants afin d'organiser cette fête? J'imagine que ça mobilise beaucoup de monde. Oui. Alors en fait, il y a la vingtaine de bénévoles qui gèrent l'association. Il y a bien sûr beaucoup de salariés de l'association qui seront présents, avec les encadrants en particulier bien sûr, mais il y a presque 80 bénévoles qui viennent encore donner un coup de main, de tous horizons si vous voulez, et on peut citer par exemple aussi le Rotary Club de Mulhouse qui sera présent, mais d'autres structures encore viennent donner un coup de main, parce qu'effectivement on y vient à la fois pour faire la fête, mais on y vient aussi pour aider ce chantier d'insertion qui fait un boulot extraordinaire, parce qu'il allie le fait d'employer des gens vraiment en grande difficulté, avec le fait de produire l'un des plus beaux jardins de France. On voit que là, il y a un paradoxe intéressant qui montre que jamais rien n'est perdu, et même dans la plus grande difficulté, on peut faire des choses formidables que tout le monde vient voir. Eh ben ça c'est sûr. Alors lors de la fête du potager, il sert de toile de fond à l'exposition de multiples œuvres d'art. On l'a dit tout à l'heure, hein, tableaux, sculptures, animations. Oui. Cette année, en rapport avec le thème dont vous nous parliez tout à l'heure du Festival des Jardins Métissés, les Jardins de Mougli. Donc chaque année un thème différent. Oui, tout à fait. Alors là, ce sera bien sûr les senteurs et les épices, puisqu'il y a la route des épices, de l'Inde. Hein. Et donc plein d'animations seront liées à l'odeur, à la senteur, à l'épice, mais aussi à la fabrication, disons, de à partir de plantes et de légumes, si vous voulez, d'objets d'objets hindous, à la fabrication de mandalas, si vous voulez, de kolam, c'est l'art éphémère indien avec pochoir et poudre de couleur. D'accord. Pour se décorer soi-même, les dames en particulier, mais aussi pourquoi pas les hommes, mais aussi des tissus et des papiers, et pour effectivement contribuer à donner une tonalité particulière à cette fête du potager. Oui, il y aura plein de choses organisées hein, au sein de cette fête. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns encore? Oui, ben, il y a déjà des ambiances musicales, puisque il y a trois groupes de musique plutôt douce, plutôt jazzy ou plutôt guitare, si vous voulez, qui sont présents. Piano-voix même, hein, depuis le matin jusqu'à l'après-midi. Il y a bien sûr tous les rendez-vous pédagogiques avec des chercheurs d'épices et des espaces zen, etc. Il y a la vente de produits du jardin. Il y a bien sûr la médiathèque qui sera présente pour parler des livres du jardin. Il y aura pour les gourmands toute une série de propositions de restauration depuis le matin jusqu'au soir. Et puis, bien sûr, il y aura les animations générales du Festival des Jardins Métissés, puisque l'entrée dans la fête des Jardins Potagers donne aussi l'entrée au musée, au festival avec les Jardins Mougli, mais également la Grande Chaufferie, qui est donc une des grandes animations très très étonnantes dans le parc. Il y a un son et lumière dans la Grande Chaufferie assez étonnant et qui fait un peu peur. Et on y trouve aujourd'hui, cette année, le temple hindou de façon particulière. Merci. Donc tout ça fabrique pour nos visiteurs et nos amis une découverte, une animation forte et fête amicale très forte aussi, parce que des moments de convivialité seront la règle dans cette fête-là et permettra en fait à ceux qui veulent passer vraiment une journée entière d'y passer, mais aussi on peut y venir pour un plus court moment pour profiter simplement d'un instant d'animation et de bonheur. Voilà, donc on choisit le créneau auquel on veut venir, mais on sait qu'on peut y rester toute la journée, car comme vous le disiez avant, il y aura une restauration, ce sera l'occasion de découvrir les saveurs du potager, hein, par des petits plats, des boissons, que certains bénévoles salariés vont faire. Oui, tout à fait, en fait, la règle, c'est que une trentaine de bénévoles et une dizaine de salariés fabriquent des mets de qualité bio, alors en partie ici des légumes du jardin, pas seulement parce que tout n'est pas fait au jardin, bien sûr, mais qui permettra en fait d'avoir le goût à la fête, si vous voulez. Un beau jardin, ça va avec un bon goût et avec des beaux produits bio. Et donc, pour les gourmands, on trouvera toutes sortes de choses à ce sujet. C'est super. Voilà. Même des bières bio, même du territoire, alors des vins bio, etc. En fait, c'est un petit peu la journée aussi des produits nature. C'est quelque part une espèce de fête du développement durable, puisque le développement durable, c'est à la fois l'environnement, l'économique et le social, et les potagers réunissent vraiment l'ensemble de ces éléments. C'est super. Est-ce qu'en même temps, on sensibilise les gens qui viennent justement à la culture respectueuse de l'environnement à ce moment-là? Oui, c'est capital, puisqu'effectivement, la pédagogie de la culture, de la rotation des cultures, des mélanges fleurs et légumes qui permettent de chasser des parasites, la rotation, mais aussi la fabrication d'un beau potager, puisque le beau est allié avec la nature, est expliqué, fait l'objet d'ateliers et fait l'objet, bien sûr, de présentations simplement techniques, puisque le jardin était construit de cette façon-là. C'est très original, puisqu'en fait, si on reprend un petit peu la tradition des patrons, je dirais même des dames des patrons qui géraient un grand potager, hein. Oui. Le potager était créé vers 1850, hein. Ah oui. Le potager fait plus d'un hectare et demi. D'accord. C'est énorme, hein, pour ceux qui ont quelques heures de potager savent le tel de travail que ça prend. Oui. Donc c'est une vieille tradition à l'époque déjà. Ces dames-là étaient conseillées par des physiocrates, des agronomes de l'époque, si vous voulez, pour faire un beau potager. Alors à l'époque, le bio n'était pas encore trop à la question, puisqu'en fait, on utilisait que des produits bio, de fait. Hein. Oui, oui. Mais disons, mais il fallait aussi que ce soit un beau potager. Et un potager productif, on peut rappeler que Vesalin était dirigé par des patrons protestants, employés, comme d'ailleurs dans toutes les Hautes-Vosges, des ouvriers catholiques, hein, c'était assez drôle, mais avec un aspect social extrêmement marqué, si vous voulez, dès 1800, et donc quelque part, c'est une certaine tradition qui est ouverte, avec bien sûr une grande différence, c'est que les patrons qui dirigent, mais les bénévoles, et les bénévoles qui est d'abord un aspect social et écologique, ce qui est très important. Super. Et justement, on parle un petit peu de social, est-ce qu'on peut se pencher quelques minutes sur ces salariés? Qu'est-ce qu'ils trouvent, ces salariés, en intégrant le parc de Vesalin? J'imagine que voilà, ça doit être un pas important pour eux de venir s'investir. Oui, tout à fait. En fait, il s'agit de de personnes qui sont en général soit au chômage de longue durée, soit qui sont à temps partiel avec, par exemple, des femmes divorcées, des choses comme ça. Enfin, oui. Des gens en grande difficulté et qui ont le bénéfice du chantier d'insertion, donc d'aide particulière pour leur salaire, si vous voulez, hein. Oui. Parce qu'effectivement, ils s'engagent dans une démarche de formation et de réinsertion. Ça dure 2 ans en général, sachant que certains salariés vont rester 5 ans pour ceux qui ont des grandes difficultés. D'accord. Ou qui sont très âgés, par exemple, qui vont pouvoir finir leur carrière au jardin. Ça leur permet d'abord de retrouver un rythme de travail, mais aussi de trouver, en fait, quelque part, un grand plaisir, parce que le paradoxe des gens en insertion avec salaire, c'est que quand ils sortent de l'insertion, pour une partie d'entre eux à la retraite, une partie ils trouvent du travail, mais aussi, malheureusement, encore pour une partie d'entre eux, peuvent retourner au chômage, ils viennent à la fête, souvent même comme bénévoles, parce qu'effectivement, ils ont vécu une aventure de travail, qui est une belle aventure humaine, en étant satisfait d'un travail que tout le monde va venir voir. Et donc, cette insertion, alors bien sûr, ils apprennent aussi à faire des légumes, des fruits, des fleurs, ce qui est utile pour chez soi, ailleurs, si vous voulez, et pour une partie d'entre eux, vont trouver un travail qui est lié à la branche dans laquelle ils ont été formés. C'est très valorisant, en tout cas, pour toutes ces personnes-là. Alors, j'imagine que les salariés, eh bien, ils seront tous là pour nous accueillir, justement, ce dimanche 25 août. Tout à fait. Tout le monde est mobilisé, tout le monde est sur le pont, pour que les salariés et les bénévoles, très nombreux aussi, hein, presque autant que des salariés, enfin, à peu près, dans ces 40 personnes-là. Ah oui. Qui seront sur le pont, effectivement, pour accueillir les visiteurs. Et les salariés sont fiers de ce qu'ils font. Et donc, ils vont eux-mêmes être présents pour montrer un peu leur capacité à fabriquer du beau, après parfois des galères très longues. C'est sûr. Donc, ça se passe dimanche 25 août de 10h à 18h30. Comment fait-on depuis nos Vosges pour venir vous rendre visite, si vous le savez? Alors, c'est très facile pour les gens d'Épinal-Remiremont. On prend la 66, vraiment de la vallée du Thiou jusqu'à Bissan et... on est à peine à 7 km du département des Vosges. Oui. Ça, c'est pour ceux qui viennent par là. Bien sûr, ceux qui viennent du Jura, Marais de la Bresse, le plus simple, c'est de prendre le col du Bramont, le col de Rennes. De la Bresse, c'est quasiment 35 minutes, donc c'est très court, en fait. Hein. Oui. De Ventron, c'est encore plus court, c'est à peu près 25 minutes, si vous voulez. Jura-Mer, c'est à peu près 50 minutes, à peu près, pour venir jusque-là. Et puis, d'Épinal, c'est à peine une heure, hein, par la 66, puisque, en général, le dimanche matin, au moins, il n'y a pas de bouchon. Le dimanche soir, il n'y en a pas trop non plus en destination de Remiremont, donc ça devrait facilement se faire. Donc effectivement, pour les 3/4 de la population du département de Vosges, c'est relativement aisé d'accéder à Vessalin par ces grands cols, et en particulier par le col du Bissan, bien sûr. Super, tout est réuni et donc pour passer une agréable journée conviviale et idéale pour faire le plein d'idées jardin, je cite, une journée intergénérationnelle où on pourra venir avec toute la famille et ça c'est quand même très très chouette. Quel est le tarif pour venir? Donc effectivement il y a un tarif qui est d'ailleurs le tarif classique de l'entrée au festival, oui. Mais là c'est le festival plus la fête. D'accord. Et l'ensemble des recettes vont au chantier d'insertion à 100%. Oui. Donc le tarif pour un adulte c'est de 10 euros, pour un enfant ou un étudiant entre 6 et 17 ans c'est 5 euros et pour les petits-enfants c'est gratuit. Bon, alors, tout sachant va bien. Que pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une carte de membre de l'association d'insertion, si vous voulez, qui donne droit à l'accès toute l'année, si vous voulez, au jardin, qu'elle soit familiale ou individuelle, et donc ça permet à ceux qui veulent aller un peu plus loin, disons, de rentrer pour quelques euros, à peine 1 euro de plus d'ailleurs, ou 2 euros de plus, de rentrer et d'être membre cette fois-ci à l'année pour l'association du jardin. Bah, très bonne information, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut retrouver cet événement sur une page Facebook, un site internet où on pourra retrouver? Oui, donc il y a la page Facebook et site internet donc du parc de Vessalin. On tape parc de Vessalin, on va tomber dessus tout de suite. D'accord. Et il y a aussi l'association des jardins de Vessalin qui est aussi un site Facebook sur lequel on trouve des informations. Très bien. Donc, c'est très facile à trouver, tout à fait. Super. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Tacquart, d'avoir répondu à mes quelques questions. Je vous souhaite un très, très bon moment pendant ce dimanche du 25 août. Vous serez sur place? Oui, je serai bien sûr sur place. Bien sûr, on a pris au travail de l'association des potagers. Eh bien, super. Merci beaucoup à vous. Merci à vous et bienvenue à Vessalin pour ce dimanche. Eh bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Léa. Nous sommes de retour avec vous aujourd'hui eh bien, pour vous parler de la fête des potagers qui aura lieu au jardin du Vercerlin ce dimanche 25 août de 10h à 18h30. Nous entendions tout à l'heure Monsieur François Tacard. Je vais répertorier un petit peu pour vous les temps forts de cette fête des potagers. Les rendez-vous créatifs des ateliers pour fabriquer vous-même des bocaux décoratifs réalisés à partir de fleurs et légumes du jardin, des colliers de fleurs en papier crépon, un atelier collam, hein, art éphémère indien avec pochoir et poudre de couleur dont nous parlait François juste avant, un atelier coloriage mandala sur le thème de l'Inde, tigre, éléphant, cobra, vache, etc. On n'oublie pas les expositions artistiques, hein, grâce aux artistes présents, le jardin prendra une dimension encore plus esthétique, toutes les œuvres feront référence à la nature, avec des céramistes, des peintres, avec de la peinture sur porcelaine, sur soie, et des expositions photos sur textile. François nous en parlait tout à l'heure, il y aura des ambiances musicales. De 11h30 à 13h30, vous retrouverez Benjamin et Mada pour un duo guitare-voix. De 14h à 16h, les Sisti Sax, un trio de saxophones. De 16h30 à 18h30, le duo Résonance pour un duo piano-voix, les rendez-vous ludiques et pédagogiques, alors course de brouettes, chamboule tout, et un jeu chercheur d'épices, hein, où vous ferez fonctionner vos sens et partirez à la recherche d'épices appréciées par la déesse indienne. Et récoltez-les en franchissant les différentes épreuves. La réussite de cette recherche vous portera sûrement bonheur. Et sous le séquoia, un espace zen, une initiation à la méditation avec Jean-Pierre Gauthier et une initiation au yoga avec Marie-Claude Schmitt. Et bien sûr, hein, une vente des produits du jardin avec le chariot du marché, un coin confiture et d'autres rendez-vous avec la médiathèque L'étoffe des mots au jardin, un moment poésie, une tombola du jardinier, une visite guidée des jardins de Wesserlin de 11h à 15h et la participation de l'association Asia, soutien aux familles défavorisées de l'Inde du Sud avec des expositions photos et d'objets d'Inde. Nous en parlions tout à l'heure, il y aura bien sûr un moment pour les gourmands avec de la restauration, pâtisserie, buvette, dégustation, gourmandise de légumes et de fruits, un stand de dégustation et de découverte des senteurs du potager, un salon de thé au jardin et un marché aux épices. Ça se passe dimanche 25 août, c'est ce dimanche, de 10h à 18h30. N'oubliez pas, et tout de suite, nous écoutons nos collègues de Radio des Ballons qui ont recueilli deux interviews directement au jardin. On écoute ça tout de suite. Aurélia, nous sommes au jardin de Wesserlin. Que fais-tu ici ? Je suis jardinière en contrat d'insertion depuis 2 mois. Et donc, en fait, on fait du désherbage, des plantations. On travaille au cabanon, on sert des crêpes, des glaces. J'ai vu ça. Hein. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Qu'est-ce que tu fais encore ? C'est déjà pas mal. Hein. Oui. Ben, en fait, on a fait des nocturnes au mois d'août. En fait, tous les soirs, on a servi des tartes flambées Excusez-moi. Non, mais c'est bon. Et flambées. Oui, oui, oui. Et voilà, on a eu du monde tous les soirs. C'était très bien, bonne ambiance et tout. C'est un travail difficile, beaucoup de choses à apprendre. Non, pas tellement. Beaucoup de choses à apprendre, mais pas tellement difficile. C'est. Ouais, le contrat d'insertion, c'est bien pour se mettre en confiance, pour reprendre du travail et tout ça. Et par la suite. C'est toi qui étais volontaire pour venir ici ? Oui, oui, oui. En fait, j'ai fait des contrats en durée déterminée un peu dans différents endroits, mais pendant 10 ans j'ai pas beaucoup travaillé dans différents endroits. J'étais à Vatfiller, au Hirtzenstein, et ouais, ici c'est... T'étais où, répète-moi ça. Au Hirtzenstein à Vatfiller. D'accord. Et donc, ouais, ici, c'est vraiment chantier d'insertion. Parce que le Hirtzenstein, c'est plus pour les personnes à difficulté, travailleurs handicapés, en fait. Et là, c'est chantier d'insertion pour retrouver du travail après. Est-ce que tu habites où ? Près de Cernay. Ouais, non, c'est pas trop loin. Non, ça va, ça va, Mimi. Tu es là pour combien de temps ? Normalement, pour 4 mois renouvelables, en fait, jusqu'en automne. Après, on verra la suite. Bon. Alors, bon séjour et à dimanche. Merci, merci, oui. Oui. Merci. Hein. Nous aussi avec Sandrine, ici au jardin de Wesserlin, parce que dimanche, c'est un jour particulier. Oui, c'est un jour particulier pour l'association puisque nous organisons notre fête annuelle qui est une fête, fête du potager, un moment convivial, familial où effectivement l'ensemble des salariés, des bénévoles se retrouvent pour accueillir les visiteurs. Et qu'y aura-t-il de spécifique ? Alors, comme chaque année, ce sera une fête organisée et avec comme thématique cette année les épices, qui fera le lien avec le thème des jardins métissés du parc, qui était donc l'Inde et les jardins de Mowgli. Donc voilà, il y aura des animations en relation avec avec l'Inde, des ateliers créatifs, un jeu chercheur d'épices et également de la petite restauration où on retrouvera les saveurs de l'Inde. Parce que des saveurs, des épices, on en trouve au jardin. Alors on en trouve quelques-unes, effectivement. Beaucoup de plantes aromatiques. En termes d'épices, on a testé le curcuma cette année, mais une plantation en pot, puisque ce n'est pas forcément sous nos latitudes que se cultive cette épice. Du gingembre. Et puis donc, lors de la fête, on fera également venir des marchands d'épices orinois. Ça sera l'occasion aussi de découvrir d'autres saveurs. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Alors de 10h à 18h30. Et combien de participants? Alors au niveau des salariés en insertion, on aura une quinzaine de salariés en insertion. On a 6 permanents et ensuite on a plusieurs dizaines de bénévoles. On a jusqu'à 80 bénévoles sur cette fête. Voilà. Parce que s'occuper des jardins, c'est tous les jours de l'année, ici à Vesserlin bien sûr. Quasiment tous les jours, même si l'hiver effectivement est une période un peu plus creuse, mais l'hiver on valorise nos produits petits fruits et autres pour en faire la confiture, de la pâte de coin, mais sinon effectivement à partir du mois de mars, on est effectivement dans les jardins quasiment en continu, et là beaucoup ces temps-ci et ces jours-ci, puisque le désherbage, les récoltes de fruits et légumes sont importantes. Des salariés en insertion, ça veut dire que là aussi, c'est une autre mission de l'association. Absolument, donc on a un objectif social et donc nous sommes chantiers d'insertion depuis 2004. Et donc cette habilitation nous permet d'accueillir des gens qui ont effectivement dans leur vie eu des parcours un peu difficiles, que ce soit des tout jeunes ou des plus âgés. Puis on essaye sur une période de 2 ans maximum de leur retrouver un travail, de leur faire faire des formations et de leur retrouver, les remettre un petit peu sur le bon chemin de l'emploi. Alors ce dimanche, pour aller au jardin, ça coûte combien? Alors c'est 10 euros adultes, 5 euros enfants, gratuit en dessous de 6 ans. Et pour les gens qui ont acheté la carte de membre annuelle, c'est gratuit. Et bien sûr, sur les lieux, comme toujours, il y a une petite restauration qui est assurée. Oui, alors petite restauration avec donc nos fameuses tartes flambées, donc avec que des produits locaux. Cette année, on aura une tarte flambée aux couleurs de l'Inde, puisqu'on essaiera de faire une tarte flambée courgette curry. Voilà, pour la petite note indienne. Et puis, donc, des petits plats salés, des desserts sucrés aussi avec des saveurs de l'Inde, des crêpes. Voilà, vous y trouverez des grillades également avec issues de producteurs locaux. Alors, rendez-vous ce dimanche. À partir de quelle heure? Donc, 10h. Et on vous accueillera avec plaisir. Et je crois que le beau temps sera de la partie. Donc, venez nombreux. Merci. Voilà pour ce petit tour d'horizon de ce qui vous attendra ce dimanche 25 août de 10h à 18h30 au jardin du Vesserlin pour cette fameuse fête du potager. Nous remercions eh bien tous nos intervenants. On vous souhaite une très très belle journée sur Radio Guémozo. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour justement cette fameuse fête du potager. Comme nous le disait François tout à l'heure, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook du parc de Vesserlin ou sur le site internet. On vous embrasse très très fort et c'est comme tous les jours, hein, on n'oublie pas, c'est rire, joie et bonheur à tous. Underground. Music. underrated. Connect.